Non, mais là, en fait, c'est pas le même chai que le chai qu'on a sur le Mall 1. Ça, c'est un des chais plus anciens. Je sais pas quand ils ont été construits. Alors, c'est pour le stockage de barriques. Voilà, c'est ça. Le vin arrivait en tonneau, donc il devait être déchargé sur les quais qui sont juste en face. Et donc, on faisait rouler les tonneaux pour être conservés dans le chai. Il n'y a pas de système de cuve. Il n'y a pas de système de cuve pour conserver le vin et puis le garder le temps qui mature, mais qui soit revendu en fait. C'est un transit du vin. Et donc, c'est deux chais qui fonctionnaient avant la guerre et qui ont en fait un peu la même caractéristique que la couverture du chai qui est sur le môle, qui est en fait un éclairage zénithal intérieur du bâtiment par l'utilisation de pavés de verre. Donc on doit avoir un très bel éclairage. Moi, je ne suis jamais rentrée dedans, donc je ne sais pas du tout en fait quelle impression on a, mais j'ai des collègues qui y sont allés et ils disent que c'est vraiment chouette, quoi. Et donc comme on est dans un périmètre protégé, en fait, dans le périmètre de monument protégé, on a l'hôtel de ville qui est juste en face. Donc, il y a le périmètre des 5 mètres, hein, circonférence de 5 mètres. Et puis, il y a la tour de Le Guenard aussi, qui est pas très loin. Donc, 50 mètres, peut-être bien, ouais. Le périmètre des 50 mètres, ouais, c'est pas très grand. 50 mètres, le périmètre de 50 mètres. Donc, ils ont, pour les travaux qu'ils font, ils ont l'avis de l'ABF et la conformité de l'ABF est exigée. Et donc, elle a demandé qu'on garde la couverture, donc en pavé de verre zénithal, et que le restant des murs, comme il n'y a plus grand chose qui reste de l'époque, et que c'est ce qui est moins intéressant, donc elle voudrait qu'on conserve uniquement la couverture, ce qui pose un peu de problème. Comment on garde le toit sans les murs, c'est un peu problématique. c'est un peu problématique. Donc ce chai-là, il fonctionne jusque dans les années 50. En fait, quand la guerre est terminée, le port reprend très vite son activité. Enfin, il est reconstruit au détriment de la ville. Il reprend très vite son activité. Et le commerce du vin avec l'Algérie commence à se mettre en place. Et donc, on a besoin de lieux de stockage plus importants pour accueillir aussi, et des bassins aussi en eau plus profonde pour accueillir en fait des bateaux citernes. Et donc ces chais-là deviennent obsolètes. Donc ils sont utilisés encore le temps de construction du nouveau chai. Mais une fois que le nouveau chai est construit et mis en fonction, ces deux chais-là ne servent plus, ils ferment. Voilà. Oui, il en reste un sur les deux qu'il y avait. Puis ils ont des contenances qui sont pas suffisantes en fait pour le trafic du vin qui s'annonce après dans les années 50. Et donc le trafic du vin avec l'Algérie dure jusqu'à la guerre d'Algérie, donc voilà, début des années 60. Et donc le chai sur le môle, c'est pareil, donc il a une existence d'une dizaine d'années en fait seulement.